petit fil qui nous relie l'humanité. Des nuits. Tiens, un peu de choses. Possibilité d'un collectif inorganisé, justement. Ça prend pas. S'en fout. Pas problème. Capacité d'écoute. Gratuitement proposer des sons. Apple, yeah. gratuitement proposer des sons. Sans aucune rétribution. Ideas, emotions, vibrations. Virtual sensations. Wiki. qui vous taille.